Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 1er, consubstantialité des personnes divines. Chapitre 9. Il faut souvent appliquer à toutes les personnes ce que l'Écriture dit de l'une d'entre elles. Mais en parlant ainsi, Jésus-Christ n'a point voulu marquer quelque inégalité entre le Verbe de Dieu et l'Esprit-Saint. Il s'est proposé seulement d'avertir ses apôtres que la présence de sa sainte humanité au milieu d'eux était un obstacle à la venue de cet Esprit consolateur, qui ne s'est point abaissé comme le Fils en prenant la forme d'esclave. Il devenait donc nécessaire que le Christ, en tant qu'homme, disparût au regard des apôtres, parce que la vue de son humanité sainte affaiblissait en eux la notion n'était précise de sa divinité. Aussi Jésus-Christ leur disait-il, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père, parce que mon Père est plus grand que moi. » Jean 14, 28. C'est comme s'il leur eût dit, « Il faut que je retourne à mon Père, car tandis que je suis corporellement parmi vous, la vue de mon humanité vous fait croire que je suis inférieur au Père. Aussi parce que vous êtes tout préoccupé des dehors matériels et sensibles que vous apercevez en moi, vous ne pouvez comprendre que comme Dieu je suis égal à mon Père. » Tel est également le sens de cette parole, « Ne me touchez point, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. » Jean 20, 17. Madeleine semblait, en effet, par cette action, ne reconnaître en Jésus-Christ que l'humanité, et c'est pourquoi le divin Sauveur ne voulait pas qu'un cœur qui lui était si dévoué s'attachât exclusivement à l'extérieur de sa personne. Le mystère de l'ascension devait au contraire prouver qu'en tant que Dieu il est égal au Père, et que comme celui-ci il suffit à la béatitude des élus. Au reste, cette vérité est si assurée, que souvent nous disons que le Fils seul suffit au bonheur de la vision intuitive, et qu'en lui seul nous trouverons la récompense de notre amour et le rassasiement de nos désirs. Ne nous dit-il pas en effet lui-même, « Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ? Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui. » Idem 14, 21. Et quoi ? Parce que Jésus-Christ ne dit pas ici, « Je vous montrerai le Père, est-ce qu'il s'en sépare ? Nullement. » Mais parce que cette parole est vraie, « Mon Père et moi nous sommes un. » Le Père ne peut se manifester sans manifester également le Fils qui est en lui. Et de même, quand le Fils se manifeste, il manifeste nécessairement le Père qui est en lui. Aussi quand on dit que le Fils remettra le royaume à Dieu son Père, nous ne devons pas entendre qu'alors il cessera lui-même de régner, car il est évident qu'en conduisant les élus à la vision intuitive du Père, il les conduira à la vision de lui-même, puisqu'il nous assure qu'il se manifestera à eux. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Jude lui eut dit, « Seigneur, d'où vient que vous vous découvrirez à nous, et non pas au monde ?» Jésus-Christ lui répondit avec juste raison, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Idem 14, 22, 23. Ainsi le Fils ne se manifeste pas seul à celui qu'il aime, mais il vient à lui avec le Père, et tous deux font en lui leur demeure. Mais peut-être penserez-vous que l'Esprit Saint est exclu de l'âme de ce juste, où habitent le Père et le Fils ? Et quoi ? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit précédemment du Saint-Esprit ? Le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit point. Vous, au contraire, vous le connaissez, parce qu'il demeure en vous et qu'il est en vous. Jean 14, 17. Comment donc soutenir que cet esprit, dont il est dit qu'il demeure en nous, et qu'il est en nous, n'habite pas dans l'âme du juste? Enfin, ce serait une trop grossière absurdité que d'affirmer que la présence du Père et du Fils en l'âme de celui qui les aime, met en fuite l'Esprit Saint, en sorte qu'il se retire à leur approche, comme un inférieur devant ses supérieurs. Toutefois, il suffit, pour renverser cette monstrueuse erreur, de rappeler ces paroles du Sauveur: je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Idem, 14, 16. Ainsi, l'Esprit Saint ne se retire point à l'approche du Père et du Fils, et il doit, conjointement avec eux, demeurer éternellement dans l'âme des justes, car il n'y vient point sans eux, ni eux sans lui. Mais c'est en raison de la distinction des personnes en la Trinité, que certaines choses sont dites séparément de chaque personne, et néanmoins ces mêmes choses se rapportent également aux trois personnes divines, à cause de l'unité de nature qui fait qu'en la Trinité des personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu. Chapitre 10. Dans quel sens est-il dit que le Fils livrera la souveraineté au Père? Lors donc que notre Seigneur Jésus-Christ remettra son royaume à Dieu le Père, il le remettra également au Fils et au Saint-Esprit, et c'est alors qu'il introduira les élus dans cette contemplation de Dieu, qui est le terme de toutes leurs bonnes œuvres, et qui sera pour eux un repos éternel et une joie immortelle. Telle est la promesse que renferment ces paroles du Sauveur: je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Idem, 16, 22. Marie, assise aux pieds de Jésus et écoutant sa parole, nous représente bien ce bonheur du ciel. Car, libre de toute action extérieure, et plongée dans la jouissance de la vérité suprême, autant du moins qu'elle nous est donnée pendant cette vie, elle figurait excellemment l'état immuable des élus. Marthe, au contraire, s'employait à des occupations bonnes et utiles, mais passagères, et auxquelles devait succéder un doux loisir, tandis que Marie se reposait en la parole du divin Sauveur. Aussi, quand Marthe se plaignit de ce que sa sœur ne lui aidait pas, Jésus-Christ lui répondit-il: Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas ôtée. Luc 10, 42. Il ne dit point que la part de Marthe fut mauvaise, mais il dit que celle de Marie était meilleure, et il ajouta qu'elle ne lui serait pas ôtée. La première, qui a pour objet le soulagement de notre indigence, cessera avec cette indigence, et un éternel repos sera la récompense de son généreux dévouement. Mais la seconde subsistera toujours, parce que dans la vision béatifique, Dieu sera toute chose en tous ses élus, en sorte qu'ils n'éprouveront aucun autre désir, et qu'en sa lumière ils jouiront d'un parfait bonheur. C'est le bonheur que demandait le psalmiste, par ces gémissements ineffables que l'Esprit s'informait en lui, quand il s'écriait: j'ai demandé une seule grâce au Seigneur, et je la lui demanderai encore, celle d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour y contempler la beauté du Seigneur. Luc 10, 42. Nous verrons donc Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit Saint, lorsque Jésus-Christ, qui est établi médiateur entre Dieu et les hommes, aura remis son royaume à Dieu le Père. Alors le Verbe éternel, qui est tout ensemble Fils de Dieu et Fils de l'homme, n'intercédera plus pour nous, comme notre médiateur et notre pontife. Mais lui-même en tant que pontife, ayant pris la forme d'esclave, sera assujetti à celui qui lui a soumis toutes choses, et auquel il a assujetti toutes choses. Bien plus, en tant que Dieu il verra que lui sont assujettis, ainsi qu'à son Père, tous ceux avec qui il est lui-même assujetti en qualité de pontife. C'est ainsi que le Fils étant Dieu et homme tout ensemble, la nature humaine diffère en lui de la nature divine qu'il tient du Père. Et de même, quoique mon corps et mon âme soient d'une nature différente, ils ont ensemble des rapports intimes que l'âme d'un autre homme ne saurait avoir avec la mienne. Concluons donc que Jésus-Christ, remettant son royaume à Dieu le Père, fera entrer dans la vision béatifique ceux qui sur la terre croient en lui, et dont il est le pontife et le médiateur. Ici-bas nous appelons cette vision de nos soupirs et de nos gémissements. Mais quand le travail et la douleur auront cessé, Jésus-Christ n'intercédera plus pour nous, parce qu'il aura remis son royaume à Dieu le Père. C'est ce qu'il prêchait à ses apôtres, lorsqu'il leur disait « Je vous ai dit ces choses en figure. L'heure vient que je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous parlerai ouvertement de mon Père. » Et en effet il n'y aura plus ni voile, ni figure dès lors que nous verrons Dieu face à face. Tel est le sens de cette parole. Je vous parlerai ouvertement de mon Père, c'est-à-dire, je vous découvrirai manifestement mon Père. Toutefois il dit, je vous parlerai de mon Père, parce qu'il est son Verbe. Et puis il ajoute, en ce jour vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai mon Père pour vous, car mon Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde. Je quitte de nouveau le monde, et je vais à mon Père. Jean 16, 25, 28. Mais que signifie cette parole, « Je suis sorti de mon Père » C'est comme si Jésus-Christ disait, « Restant toujours en tant que Dieu égal à son Père, j'ai paru inférieur à lui, en me faisant homme. » Et encore, « Je suis venu dans le monde, c'est-à-dire, j'ai montré au regard des pécheurs qui aiment le monde, l'humanité que j'avais prise, en m'abaissant jusqu'à revêtir la forme d'esclave. Mais voilà que, je quitte de nouveau le monde, c'est-à-dire, que je soustrais mon humanité sainte aux yeux des amateurs du monde. Et, je vais à mon Père, c'est-à-dire que j'instruis mes disciples à me considérer comme égal à mon Père. C'est cette ferme et sincère croyance qui nous permettra de passer des ombres de la foi à la vue claire et nette des mystères divins, et qui nous introduira dans la vision intuitive, lorsque le Fils remettra le royaume à son Père. Et en effet les élus que Jésus-Christ a rachetés de son sang, et pour lesquels il intercède maintenant, forment son royaume. Mais alors il ne priera plus son Père en leur faveur parce qu'il les aura réunis à lui dans le ciel, où il est égal à son Père. Car mon Père, dit-il, vous aime. Jésus-Christ prit son Père, en tant qu'il lui est inférieur, comme homme, et il exauce lui-même sa prière conjointement avec le Père, en tant qu'il lui est égal comme Dieu. Il ne se sépare donc point du Père quand il dit « Mon Père vous aime », mais ici il rappelle ce que déjà j'ai observé, et fait remarquer que quand on affirme une chose d'une seule des personnes de la Sainte Trinité, les deux autres y sont comprises. Ainsi cette parole « Le Père vous aime » doit également s'entendre du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que présentement le Père ne nous aime pas? Et quoi? Il ne nous aimerait pas celui qui n'a pas épargné son propre fils, et qui l'a livré à la mort pour nous tous. Romains 8, 32. Toutefois Dieu nous aime moins tel que nous sommes que tel que nous serons un jour, car ceux qu'il aime présentement, il les conserve afin qu'ils jouissent d'un bonheur éternel. C'est ce qui arrivera, lorsque le Fils aura remis le royaume à son Père. Et alors celui qui maintenant intercède pour nous, cessera de prier son Père, parce que le Père lui-même nous aime. Mais comment méritons-nous cet amour, si ce n'est par la foi qui nous fait croire à une promesse dont nous ne voyons pas encore l'accomplissement? Oui, la foi qui nous conduira à la vision béatifique, fait que dès à présent le Seigneur nous aime tel qu'il aime que nous soyons un jour. Car il ne saurait aimer les pécheurs tant qu'ils restent pécheurs, et c'est pourquoi il les presse de ne pas demeurer éternellement dans ce triste état. Markemdanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.